Ici Jacques Beauchamp, aujourd'hui l'histoire, le lundi de la matraque, la Saint-Jean de 1968. Monsieur Trudeau insiste, il veut demeurer sur place. Il ne veut pas quitter l'estrade d'honneur. Alors, Monsieur Trudeau a décidé de rester à l'estrade d'honneur et il a en cela refusé d'obéir aux personnes qui étaient autour de lui, qui lui disaient de rentrer. L'image est restée célèbre. Pierre-Elliott Trudeau, frondeur, qui refuse de quitter la tribune d'honneur lors de cette manifestation qui tourne à l'émeute le soir de cette fameuse Saint-Jean du 24 juin 1968. Le lendemain, Pierre-Elliott Trudeau remportera sa première victoire électorale comme premier ministre du Canada. Quel poids aura eu son attitude lors de la manifestation de Montréal sur le résultat de l'élection? La question se pose. Mais chose certaine, la présence annoncée de Pierre Trudeau au défilé de la Saint-Jean avait déjà été dénoncée par Pierre Bourgault quelques jours auparavant, comme un geste de provocation auquel répondraient les souverainistes québécois. Bref, avant même que ne débute le défilé, il y avait beaucoup de tensions dans l'air. D'un coup, que je vois arriver sur le bout de la rue les chevaux, oh ben je lui dis au petit, tiens-toi bien, ça commence. Ben c'est tout changé, ça. La parade, là, c'est plus comme avant. À cette heure-là, moi, quand j'étais petit, c'était pas de même. Les chevaux passaient, et puis après, la parade suivait. À cette heure, ils ont tout changé ça. À cette heure, quand les chevaux arrivent devant l'estrade d'honneur, ils ont décidé qu'ils faisaient un show de cheval. Mais l'affaire, c'est que nous autres, ils nous l'avaient pas dit, hein, puis on était dans le chemin. Ça fait que la police essayait de nous pousser pour faire la place pour les chevaux, mais en arrière, il y avait d'autres polices qui nous poussaient comme ça. Ça fait que son niaiseux et Saint-Jean-Baptiste, il aurait pu nous le dire, c'est dangereux pour les enfants, ces affaires-là. Hey, les chevaux, là, ils dansaient parmi le monde, en vrai, là. Fait qu'il y a des chevaux qui s'enfargeaient dans le monde, puis il y a du monde qui s'enfargeait dans les chevaux. C'est dangereux, ces affaires-là. Tu sais qu'un cheval qui se casse une patte, là, c'est plus bon, ça. Fait que là, il y a des petits jeunes qui étaient là, son mère s'énervait, puis à pitcher des bouteilles. J'ai dit, hey, arrêtez-vous, que ça donne de pitcher des bouteilles. C'est pas de leur faute, c'est la première année qu'ils font ça. L'année prochaine, ils vont l'avoir comme ça. C'est vrai, tu peux pas tout leur demander du premier coup. Aïe, aïe, aïe! Et que ça donne de frapper, c'est pas parce que c'est une dingue! L'humoriste Yvon Deschamps, qui créera très, très peu de temps après les événements du 24 juin 1968, ce numéro intitulé « La Saint-Jean », numéro dans lequel il évoquera, tout en dérision, la brutalité avec laquelle les policiers vont s'attaquer aux manifestants le soir du 24 juin 1968. Pour nous rappeler le déroulement de ces événements ce soir-là, pour nous rappeler aussi le contexte dans lequel va se produire cette fameuse manifestation du 24 juin 1968, mon invité, l'historien, homme de théâtre, homme de lettres, Jean-Claude Germain. Jean-Claude Germain, bonjour. Bonjour. Pourquoi c'est si important cette Saint-Jean de 1968? Ben, je vous dis, parce que c'est la fête qui change cette fois-là. Parce que depuis longtemps, la fête de Saint-Jean-Baptiste, c'était une affaire folklorique, tout complètement. Je veux dire, c'était comme la découverte de l'Amérique, une gracieuseté de Dupuis-Frère, bon, je veux dire, ce genre de choses-là. Et que finalement, je veux dire, c'était devenu aussi quelque chose qui était lié pas mal avec les Canadiens français. Oui. Bon, c'est à ce moment-là qu'on, même dans les journaux, on a commencé à enlever Province de Québec. C'est les journalistes qui l'ont fait, enlever ça. Tranquillement, on s'en va vers Québécois. Oui. Alors, en plus de ça, tu as toute la jeunesse, maintenant, qui est là. Ça, c'est déjà là. C'est déjà avant là, le 24 juin 68. C'est là, il y a cette affirmation nationale. Et aussi, le moment absolu, pour l'aérienne, pour Bourgault, pour l'indépendance, c'est la déclaration du général de Gaulle. L'année d'avant, en 67. Alors ça, c'est en arrière-plan. Ouais. Donc, nécessairement. Ah, mais on parle de la jeunesse aussi, en 68 et tout ça. La jeunesse également aussi, à l'automne, va faire une grève générale. Ouais. Elle vient juste d'avoir les ça bouge bouge complètement. Ouais. Et tout à coup, on a un sens de la nation qui est tout à fait différent, qui n'était pas là avant. Oui. Et arrive donc ce 24 juin, cette manifestation qui vire à l'émeute durant le défilé de 68. Je vous repose la question, ça va, l'image de Trudeau, puis on va y revenir dans un instant. Trudeau, c'est devenu célèbre, là, qui se braque, qui veut pas quitter la balustrade. Il a ses raisons pour faire ça, mais pourquoi c'est important? Qu'est-ce que change ce 24 juin 68? Bien, d'abord, ça change une chose par rapport à Trudeau. Oui. Parce que la question que c'est que lui, il l'a annoncé, c'est sa réaction. Oui. Parce qu'il se promène partout depuis un bon moment en faisant chier tout le monde, en criant des noms épouvantables par rapport aux jeunes, en disant « ça va faire mal aux indépendantistes ». Et là, il agit pour le Canada. C'est un homme de spectacle. Oui. Même M. Johnson qui est à côté, il se dit « ça n'a pas de bon sens ». Il est là, il est fier de la provocation. Oui. Il se frappe sur quasiment comme un héros. Comme il sait ce qu'il fait. Il sait ce qu'il fait parce qu'il sait que ces élections vont être gagnées à cause de ça. Oui. Parce qu'il est l'homme de la loi et de l'ordre. Oui. Lui, il va mentir le Québec. Il convient le Canada, il se fout complètement de ce qu'on pense de lui. Est-ce que, paradoxalement, vous avez écrit un article, vous, Jean-Claude Germain, à la mort de Pierre Bourgault, oui. Où vous disiez, au fond, avec cette attitude de Trudeau ce soir-là, c'est une confrontation, là. Oui. C'est une vision du Canada qu'incarne Trudeau, qui affronte cette jeunesse que vous nous décriviez à l'instant, là, qui est éprise de liberté, qui commence à rêver d'un pays. Mais vous disiez dans cet article, paradoxalement, Trudeau, en faisant le fier, crée une nouvelle Saint-Jean, donne à la Saint-Jean son caractère politique. Il donne un sens, tout à coup, d'une fête nationale dans lequel on se retrouve. Mais c'est pas ce soir-là que ça se passe. Ça se passe vraiment là, parce qu'après ça, progressivement, on va continuer la fête. D'ailleurs, l'année d'après, le Saint-Jean-Baptiste, d'abord, on va lâcher le petit Saint-Jean-Baptiste avec son mouton. Ouais. Ben, c'est un symbole extraordinaire, quand même. Il est arrivé l'année de la Confédération, faut le faire. Mais en plus de ça, ils vont faire un Saint-Jean-Baptiste énorme, il va perdre la tête. Je veux dire, on se débarrasse de ce symbole-là. Oui. Puis tout à coup, c'est une affirmation de la nation, de façon, je dis, puis vraiment cette fois-ci dans un sens politique. Avant ça, c'était dans un sens culturel. Là, c'est dans un sens politique. Et c'est là, en 68, que ce virage se fait. Oui, tout à fait. Oui. Il va continuer. Bon, Trudeau, on y revient. La présence de Pierre-Elliott Trudeau, vous disiez il y a un instant, il sait très bien ce qu'il va faire. Absolument. Là. Il est prévenu, effectivement, Pierre Bourgault, le 20 juin 68, dans une entrevue, va dire... Si Trudeau se pointe, attention, on l'écoute, Pierre Bourgault. Prenons une attitude très ferme vis-à-vis M. Trudeau, qui a le culot de venir se présenter au fait de la nation canadienne-française ou québécoise. Si nous protestons contre le fait qu'il soit au fait du Canada français, c'est que lui-même refuse d'accepter l'existence de la nation canadienne-française ou québécoise comme telle. Il le dit et le répète sans arrêt, il n'y a qu'une nation au Canada. Or, la fête de la nation canadienne, en principe, c'est le 1er juillet, ce n'est pas le 24 juin. Le 24 juin, c'est la fête des Canadiens français. Il ne reconnaît pas l'existence de la nation canadienne-française. Il n'a pas d'affaire à s'y présenter et à y faire le pas. Alors, nous allons protester demain soir à Ville d'Anjou. On nous dit qu'il n'y sera peut-être pas, c'est peut-être une tactique. S'il y est, nous serons là. S'il n'y est pas, ça prouvera qu'il a peur. Et nous protesterons aussi contre sa présence dans le défilé de la Saint-Jean-Baptiste lundi. De quelle façon protester? Parce qu'il semble acquis maintenant qu'il sera au défilé. Vous verrez bien à ce moment-là. Le 20 juin 68, quand Pierre Bourgault donne cette entrevue, est-ce qu'il sait, Jean-Claude Germain, ce qui va se passer le 24 juin? Ben, il peut s'en douter un peu parce que même lui-même, dans ses mémoires, raconte que par rapport, non pas cette fois-ci, il y a eu le samedi de la matraque aussi, où là, il avait dit des phrases extraordinaires et que ça avait créé une émeute à Québec. C'est la visite de la reine, c'est ça? Oui, c'est la visite de la reine. Donc, il sait maintenant quand même, je veux dire, mais la question qu'il y a, ce qu'il dit à ce moment-là, je veux dire, c'est que je pense pas qu'il sait exactement ce qui va se produire, mais il y a une chose qui est sûre. Il sent qu'il y a une ferveur, qu'il y a quelque chose qui se passe dans l'air qui n'était pas là avant. Et quand je dis pas l'avant, ça dit que c'était pas juste l'aérienne, là, ça élargit. Oui. Quand le général de Gaulle a déclaré ça, jusqu'à ce moment-là, on était dans un flou artistique intéressant. Tout le monde était québécois. Pas québécois, mais était canadien, français. Tout le monde était pour le Québec. Tant qu'il a dit vive le Québec libre, la salle s'est divisée en deux. Oui. Alors donc, la jeunesse aussi a pris son camp à ce moment-là. Puis c'est celui de la liberté en même temps aussi. Trudeau, jusqu'à quel point... Je vous repose un peu la même question. Vous dites, Bourgault, c'est pas précisément ce qui va se passer. Non, c'est pas ce qui va se passer. Il sent que quand même, le mouvement est là. Trudeau a un objectif politique, certainement. Absolument. Il devine ce qui va se passer, lui? Ou... Il espère que ça va se passer. Carrément. C'est épouvantable, mais je veux dire, il y a un aspect machiavélique chez lui. Parce que son avenir dépend de ça. Est-ce que ça va avoir une importance réelle? Je parlais de l'élection fédérale. Absolument. Je veux dire, son image, l'image est double de Trudeau. On a quelque chose avec son fils pareil. Je veux dire, c'est que tout à coup, il va pouvoir poser des gestes de grande ouverture, Je veux dire, il est sur le bel omnibus. Ouais. Puis, et en même temps aussi, rappeler que lui, il est l'homme. Ouais. Il est l'homme qui, comme son fils va dire, je ne négocie pas, on ne fait pas ça. Je veux dire, l'homme qui va tenir place au Québec, qui va le mater. Oui. Ben, nécessairement, ça crée une réaction de l'autre côté. Ça permet à l'autre réaction de se... Tant que tu as un véritable ennemi, ça te permet de vraiment unir les rangs. Et au Canada anglais, en tout cas, tout le moins, c'est probablement que ça aura compté dans le résultat de l'élection du lendemain. Ça fait plus que compter. Ouais. Bon, comment ça se déroule, cette fameuse soirée du 24 juin 68? Je vous propose d'écouter un extrait, un petit montage, en fait, la description du défilé à la télé de Radio-Canada. Et vous entendrez également, en parallèle, la description qu'en fait la radio de Radio-Canada, le journaliste Paul Racine à la radio. Mais on passe de l'un à l'autre. On va passer de la télé à la radio à la télé. Ici, une certaine inquiétude se manifeste sur les visages de nos invités à l'estrade d'honneur. Nous entendons les clameurs ici à notre droite, c'est-à-dire vers la rue Amherst. Et de plus en plus, ces clameurs deviennent considérables et se rapprochent de nous. Est-ce que les manifestants se rapprocheront de l'estrade d'honneur? Il y a probablement des décisions qui vont se prendre dans quelques instants, Henri, parce que les choses ne peuvent pas continuer comme ça. Là, présentement, c'est l'arrêt du défilé, momentanément. Nos caméras étant orientées dans l'autre sens, évidemment, il nous est impossible, il n'y a aucun éclairage où se déroulent présentement les incidents. Dans le parc de la Fontaine même, je suis entouré de quelques centaines de manifestants qui brandissent des drapeaux fleurs d'Élysée et qui hurlent le Québec aux Québécois. Il y a environ 15 minutes, alors que tout semblait calme et que seule la présence de nombreux policiers, casqués et en motocyclette, laissait présager un peu de nervosité, eh bien, soudain, une manifestation a éclaté à la gauche de l'estrade d'honneur et les policiers sont intervenus très rapidement et, je dois dire, avec beaucoup de rudesse. Il y a eu quelques arrestations, j'ai été témoin de deux ou trois arrestations, dont l'une d'un manifestant qui se tenait tout près de moi et ne faisait strictement rien. Toujours est-il que la répression policière a été subite et assez rude. Voici maintenant à l'estrade d'honneur. Il se produit quelque chose à l'estrade d'honneur. Et il semble bien que maintenant on ait maîtrisé un assaillant qui s'est présenté à l'estrade d'honneur. Il est regrettable que tous ces incidents se produisent. Il y a des projectiles qui maintenant volent en tous sens et les invités de l'estrade d'honneur rentrent à l'intérieur. Je pense, Henri, que nous devrions terminer ici. Monsieur Trudeau insiste, il veut demeurer sur place. Il ne veut pas quitter l'estrade d'honneur. Deux choses. C'est fascinant ce qu'on entend, Jean-Claude Germain. Il y a ce qui se passe, évidemment. Oui. Mais vraiment, c'est surréaliste, cette couverture de la télé. On est dans... Ben là, je veux dire, c'est un des grands gestes de censure de Radio-Canada. Je veux dire, vraiment. Il y avait eu des directives de données. Sans aucun doute, parce qu'à un moment donné aussi, moi, j'étais tout près, à deux rues. J'étais là. La clameur, on l'entendait, ça n'avait pas de bon sens. Mais en plus de ça, c'est qu'ils avaient nécessairement un studio mobile, Puis finalement, les manifestants étaient autour du studio mobile. Et effectivement, à un moment donné, plus tard, ils vont dire, ils sont sur quoi? Sur le toit? Oui. La radio décrit tout ça en direct. Nécessairement. Alors que la télé se défend, on l'entend dans l'extrait, c'est fabuleux. On dit, ben écoutez, c'est parce que les caméras sont pas dans la bonne direction. Ben, on a dit, vous allez continuer à monter la parade, puis il n'y a rien à faire. Oui, c'est ça. Mais il y aura des suites à ça qui sont assez formidables aussi, assez intéressantes sur le plan historique, puis pour quiconque s'intéresse au journalisme. La télé va finir en fin de soirée à 23h. Il y aura ce fameux reportage, Claude Jean de Virieux, qui va finir par faire un reportage qui décrit ce qui se passe ce soir-là, mais sera une conséquence assez fâcheuse pour lui. Il va être suspendu, mais on écoute un extrait de ce reportage de Claude Jean de Virieux. Les manifestations ont commencé vers 8h15. Au début, ça n'était pas très grave. Il y avait quelques centaines de séparatistes qui criaient « Trudeau vendu, Trudeau est un traître, le Québec aux Québécois, etc. » Il y avait environ 2500 policiers qui ont commencé à vouloir nettoyer l'emplacement. Monsieur Bourgault a été arrêté vers 9h15. J'entends hurler, il doit y avoir d'autres bagarres qui se produisent à ma gauche, le long de la rue Sherbrooke toujours. Les bagarres se sont poursuivies et puisqu'on m'a demandé de vous dire ce que j'ai vu les policiers perdre leur contrôle et frapper de façon sauvage. Ce n'est pas un jugement de valeur que je porte, frapper de façon sauvage. Des jeunes gens, des jeunes filles qui souvent ne faisaient rien. Une femme enceinte, m'a-t-on dit, a été frappée. Un reporter de langue anglaise dont j'ai le nom, Bill Boyd du Toronto Telegram, a lui aussi été frappé. Et moi-même, j'ai été malmené par un policier qui porte le numéro matricule 770. Le Québec avait eu le samedi de la matraque. Nous, nous avons eu le lundi de la matraque. C'est une semaine qui commence. Ici, Claude-Jean de Virieux, sur la rue Sherbrooke, à Montréal. Ce reportage, Jean-Claude Germain, va d'une certaine manière passer à l'histoire. Claude-Jean de Virieux va être suspendu à la suite de ce reportage-là. Le lendemain, on le rappelle, c'est une soirée importante pour l'information. C'est l'élection fédérale qui va porter Pierre Trudeau au pouvoir pour la première fois. Oui, mais en même temps, je veux dire, ce qui est arrivé à ce moment-là, c'est quand même que de Virieux a sauvé l'honneur de Radio-Canada. Oui. Parce qu'à un moment donné, vous vous attendez à ce qu'on voit des choses, à ce que quelqu'un dise quelque chose qui correspond au sentiment que vous avez. Et en disant ça, il a au moins dit ce que c'est que tout le monde ressentait par rapport à ça, que des gens à ce moment-là soient d'une couleur ou de l'autre. Mais ce qui est extraordinaire, moi je relisais les coupures de presse, c'est que Radio-Canada va se justifier en disant, puis je paraphrase, mais en disant, ça a choqué certains téléspectateurs, ce reportage qu'on vient d'entendre de Claude-Jean de Virieux. Mais au fond, on dit presque candidement, parce que, évidemment, on admet que la soirée a pas été, la description de la télé a pas été très fidèle à ce qui se passait. Donc, il y avait comme un décalage. Mais je comprends qu'il y avait un décalage. Oui, je sais. On s'imagine aujourd'hui les milliers de caméras, je veux dire, de téléphones qui vont envoyer des images. À ce moment-là, il y avait un contrôle. Mais c'est un peu délirant. D'ailleurs, l'affaire qui est épouvantable, puis c'est pas rassurant, c'est que, après avoir servi vraiment très, très bien M. Trudeau, parce qu'ils l'ont très bien servi avec ces images, je veux dire, éventuellement aussi des images qui ont passé. Puis même la campagne de 68. Mais la question qu'il y a, c'est que il a gardé un souvenir de Radio-Canada épouvantable, parce que s'il y a quelqu'un qui était contre Radio-Canada, c'est lui. Mais il y aura des suites, parce que Claude-Jean de Virieux, donc, est suspendu. Il doit participer à la couverture de la campagne électorale. Il est suspendu à la suite du reportage qu'on vient d'entendre. Les journalistes, Pierre Nadeau, mais d'autres, Poliquin à l'époque, Poliquin père, vont protester, vont faire la grève. Il n'y aura pas au réseau français de couverture. C'est incroyable. Ben oui, c'est incroyable. Mais geste de solidarité, donc, nécessairement, d'information. C'est rare que ça arrive de toute façon de cette manière-là. Mais il faut dire que la question qu'il y a, c'est que dans le cas de Trudeau, c'était calculé. Il n'y a rien à faire. C'était calculé parce que l'attitude était calculée. Je ne dis pas qu'il a calculé précisément là, mais tant qu'il était là, l'attitude en disant personne ne va... Mais c'est dit dans sa personnalité. Il y a seulement Bourgault qui lui tenait tête à ce niveau-là. Il est infiniment regrettable que la fête de la Saint-Jean n'ait pu se célébrer dans une joie totale. Nous avons à déplorer des scènes qui n'ont pas leur place. Un jour particulièrement réservé à l'expression collective d'une fierté nationale pourtant bien justifiée. Nous avons aussi, et cela est infiniment plus grave, à déplorer le recours prémédité à la violence avec ses conséquences tragiques. Même si présentement, dans plusieurs pays, le recours à la violence semble se généraliser, il ne s'ensuit pas nécessairement que Montréal doive se résigner à cette forme d'expression sociale. Le maire de Montréal, Jean Drapeau, le 25 juin 68, le lendemain de cette manifestation qui vire à l'émeute, le maire Drapeau, évidemment, qui dénonce la violence, mais la violence des manifestants. Il s'en tient à cet aspect-là. Il y a deux choses intéressantes, Jean-Claude Germain, dans ce qu'on vient d'entendre. Le contexte international. On est en 1968. Drapeau fait référence à ça. Là. Il est conscient que ça se passe comme ça ailleurs. Il veut pas que ça se passe comme ça chez lui. Et puis la violence comme telle. Question double sur ce contexte, le poids que ça va avoir, le contexte international, puis sur à l'échelle, je dirais, des événements violents à s'être produits chez nous, où se situe ce soir du 24 juin 68? C'est-à-dire, c'est qu'à ce moment-là aussi, on oublie une chose, c'est que la violence, en fait, des manifestations qui existent dans le monde entier, c'est celle de la jeunesse. Oui. C'est ça qui est important, là. C'est une jeunesse, puis après ça, c'est une jeunesse qui est nombreuse à ce moment-là. Oui. Alors donc, cet élément-là, je veux dire, c'est que c'est un vague de fond. Oui. Parce que tant qu'il parle de la fierté nationale, ben là, on est pris avec Henri Bourassa, puis on est pris avec Stéphane Wengrou, là. Mm. On est pris dans les images d'Épinal. Puis la question qu'il y a, c'est que la fête prend une signification politique. Parce que finalement, la nation prend une nation politique, en ce sens qu'il faut y donner un sens politique et culturel. La culture va faire son travail par la suite. Alors, ça va continuer. D'ailleurs, on le voit, comme je disais tout à l'heure, je veux dire, à ce moment-là, on va avoir une réaction des étudiants immédiatement. Je veux dire, c'est que... En fait, c'est le début, là. C'est quand le début, Drapeau, c'est là. Il y aura plus violent encore. Oui. Toutes sortes de violences, parce que les violences sont différentes. Il y aura une violence de policiers, il y aura des violences de pompiers, il y aura des violences de travailleurs, il y aura des violences pour le Québec, McGill français, il y aura toutes sortes de choses. C'est qu'à quelque part, il faut que ça bouge. Qui va venir. Parce que ça bouge pas. Oui. Puis dans son cas à lui, ben je veux dire, c'est un homme à la fois, même de droite, hein, et puis à part ça, autoritaire. Alors, on va voir tranquillement que lui va perdre les pédales par rapport à la violence. Il va tout interdire, à un moment donné. Là, la fête du Père Noël, là, la parade du Père Noël. Là, franchement, là, je veux dire, y a-tu quelqu'un qui va aller manifester à la parade du Père Noël pour bon, affirmer, contester Eaton, peut-être, mais je veux dire, bon, ça n'a pas de bon sens. Alors là, il y a une violence aussi institutionnelle qui est là. Mm-hmm. Mais quand même, malgré tout, moi, ce que je fais des comparaisons, par rapport à la violence qu'il y avait à ce moment-là, dans notre contexte actuel, je pense qu'il ferait venir l'armée. Avec ce qu'on a vu le 24 juin 68? Oui, oui. Non, mais la violence qui continuait aussi. Oui, là, à ce moment-là, finalement, il y avait quand même une tolérance de ça. Ouais. Tandis qu'aujourd'hui, ils sont devenus délirants, là, ouais. C'est ce qu'ils ont fait par rapport, disons, à, je veux dire, le printemps érable, je veux dire, c'est le délire. Bon, mais je veux dire, c'est que quand même, à cette époque-là, il y avait une violence dans toutes sortes de domaines. C'était tous les domaines qui bouclaient que ça bouge. Alors, puis en même temps, ben, l'indépendance là-dedans, c'est une solution intéressante parce qu'il y avait le mot liberté là-dedans. Puis il y avait aussi l'indépendance d'un discours que M. Trudeau va continuer de tenir constamment. Ouais. Imaginez-le, pendant toutes les années qu'il va être au pouvoir par rapport au Québec, imaginez-le justement sur l'estrade d'honneur, entouré, je veux dire, de projectiles, regardant les projectiles comme s'il pouvait les faire tomber avec son œil magique, et à ce moment-là, étant capitaine Canada. Les deux protagonistes, Trudeau, les deux principaux protagonistes, oui, Trudeau et Bourgault, ils vont en dire quoi de cette soirée-là après? Dans le cas de Trudeau, il ne dira jamais rien. Dans le cas de Bourgault, il va voir là-dedans, justement, il va identifier que ça a servi très, très bien. Parce qu'il était capable de dire des choses. Il va dire que ça a été notre meilleur coup, notre meilleure manifestation. Coup, d'une certaine façon, parce que d'une certaine manière, c'est celle-là qui va amener toutes les autres. Puis il va y avoir des manifestations qui ne seront pas toujours dans un sens négatif. Parce que finalement, cette fête nationale-là va évoluer. Mmh. Va évoluer jusqu'à ceux qui connaissent les choses vont avoir le moment extraordinaire sur la montagne. On est rendu en 76. Je veux dire, à 75 ou 76, je ne me rappelle plus. Mais en tout cas, c'est à ce moment-là. Là, des fêtes, la fête prend ce sens-là. Ouais. Fait que là, on est loin du folklore. On est loin, je veux dire, de se rappeler vaguement Jeanne Mance et Maisonneuve. Correct, mais on ne peut pas être inscrit dans une démarche politique. Ouais. Jean-Claude Germain, ça a été un vrai plaisir. Merci d'être venu nous voir. Merci beaucoup. Jean-Claude Germain, historien, homme de théâtre, homme de lettres. Merci beaucoup, beaucoup. Merci également à Mathieu Beauchamp à la réalisation de l'émission, les recherchistes Caroline Morin et André Martineau, recherche d'archives Élisabeth Bergeron, au site Internet Mathieu Arsenault, à la technique Marielle Momini. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou en vous abonnant à notre balado-diffusion. Vous pouvez également nous suivre ou nous écrire sur Facebook ou encore à l'adresse suivante histoire@radio-canada.ca. Ici Jacques Beauchamp. À la prochaine.